spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 5 mars 2018, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mes amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous rappelez-vous, il y a quelques années, 7, 8 ans, 9 ans, j'avais un numéro ou une spécification de laboratoire linguistique ou improvisatrice, c'est que j'utilisais la première phrase d'un conte ou d'une nouvelle de Charles Bukowski, j'improvisais, et à la fin, nous regardions le titre, histoire de vérifier si nous avions bien dérapé. Vous vous rappelez? Bon, OK. Pour ceux qui n'ont point de mémoire, ou pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui connaissent peu l'émission, je vais vous laisser réfléchir. Montez dans votre étage de bibliothèque cérébrale. Vérifiez dans la vidéothèque aussi. Moi, la vidéothèque cérébrale, c'est 6e étage, pas d'ascenseur. 297 marches à monter pour se rendre à l'endroit où on peut visualiser toute la réflexion reynaldienne. Tout le monde en haut est essoufflé, à part un, Monsieur Sportif, avec son épouse, donc ils sont deux, Madame Sportive. Ces gens-là, là, ça s'entraîne, puis ils se demandent même... C'est comme ça. Ils s'entraînent sans savoir pourquoi. Ben, pour être en forme, hein, pour être en forme. Puis quand ils doivent utiliser cette forme-là, ben là, ils sont bien heureux. Hey, c'est pour ça, moi, je suis en forme. Pas soufflé, moi. Je les ai montés, ces marches-là. Là, je suis dans la bibliothèque, vidéothèque, cérébrale, rénaldien. Je m'en vais le trouver, moi, là, parce qu'il n'a pas été à l'école longtemps. Je m'en vais le... Ben, il courait après sa santé. Je courais, là, non. Je m'en le trouver, moi, c'est... Comment vous appelez ça, monsieur? Bukowski. Comment vous appelez ça, Bukowski? B-U-K. Ben, écrivez juste Charles, là, puis dans l'ordinateur en haut, là. Vous allez avoir des informations. OK, Charles. Comment t'écris Charles? Ben, Charles... C majuscule H-A-R-L-E-S. C majuscule, attends un petit peu. Ferme ta bouche, toi. Parce que là, les gens, on fait... C'est comme... Vous saviez? Ah non, je savais même plus ce que... je savais même pas que je le savais. Oui, à l'époque, il y avait des romans savants. Donc, il y avait un bruiteur qui faisait... Alors, voici. Charles Bukowski, oui. Charles Bukowski. Entrez. Oui, rentrez! Oui, M. Bukowski, enchanté de vous rencontrer. Comment ça va? Vous êtes égrené, c'est normal, vous êtes mort depuis longtemps. Mais longtemps, c'est relatif, là. Si on compare à Jésus, vous êtes mort un petit peu après. Vous avez rencontré Madonna, M. Bukowski, vous rappelez-vous? Vous avez vécu, vous rappelez-vous? Hey, vous étiez bouché, pas des deux bouts, là, mais bouché, vous, hein, les animaux. Vous étiez éboueur. Vous avez déjà dit quoi? Vous avez été un boxeur! Vous étiez boxeur, monsieur Pikowski, saviez-vous ça? J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Je suis heureux de vous remémorer ces beaux moments de votre existence. Donc, c'est à la bibliothèque, vidéothèque transcanadienne, et comme je le disais à mes auditeurs fidèles et aux autres, aux brebis galeuses, il y en a beaucoup de brebis galeuses au Québec. Pas juste que je pense c'est mondial, moi. La mondialisation est en train de tuer la singularité. Tout le monde veut être semblable, puis personne veut ressembler à personne. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ben, tout le monde veut être semblable, parce que c'est rassurant d'être semblable. Puis personne ne veut recréer ou chercher son individualité. Ça fait que M. Pikowski, Rénal Gagné, Rance Renadienne, ou Rénald Gagné, Rance Renadienne, faisait un laboratoire d'improvisation il y a quelques années. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ça fait combien de temps qu'on dit ça? Ça fait 6 minutes, à peu près. Enlève 1 minute 20 pour l'introduction. Ça, c'est 1 minute 43 et 52 secondes. Ça, c'est précis, ça. Le générique des Rance Renadienne, 1 minute 43 secondes. Attends un peu. 1 minute 43 secondes et 52 centièmes. Pas une seconde, pas un centième de moins, de plus. C'est juste ça. Je répète, 1 minute 43 secondes et 52 centièmes. Fait que M. Gagné est un amateur, un admirateur. Pas admirateur, il est un amateur. Il vous aime beaucoup. Il a à côté de lui, au lieu d'arborer la Bible, il a le livre quand même assez volumineux de Grasset. Pour être Grasset, il faut que ce soit volumineux, hein? Sinon, t'es pas Grasset. Continue à manger de la patate, ma Grassette. Mangeant de la patate, ma petite Grassette. C'est bon. Ça va augmenter ton volume. Mais Charles Bukowski, lui, il n'a pas besoin d'être augmenté, le volume. Le volume est là, stable. Les feuilles sont à l'intérieur. Il n'est même pas brisé. Je l'ai ouvert. Tellement souvent, ça me surprend qu'il ne soit pas fendu dans le milieu. Il n'y a aucune vision. J'ai rien voulu dire de graveleux là-dedans. Là. Ben, en tout cas. Et puis, à quoi qu'il commence déjà à faire? Ah oui, il fail. Il va falloir que... Oui. Comment ça coûte un ramancheur de livres, là? Un pocheteur qui refait la pochette. C'est pas une pochette, c'est un livre, c'était quoi? C'est une jaquette, la jaquette! Enlève pas ta jaquette, ma Georgette, sinon je m'en vais. Donc, Charles Bukowski, au compte des nouvelles, chez Grasset, Bibliothèque Grasset. Et il partait, lui. Il partait sur Rénal Gagné, Rance Renadienne. Il partait sur la première phrase d'une des nouvelles de ce romancier, de ce créateur. Et par la suite, il dérapait. Et pour terminer, et c'était là le côté le plus... Le plus légitime, même pas légitime, M. Thibodeau, non. Le plus flamboyant, c'était le titre. Afin de savoir est-ce qu'on s'était racolé, parce que le gars qui lisait, Rénal Gagné, qui lisait la première phrase, il savait pas le titre. C'est à la fin qu'on découvre tout. Et là, on se bidonne. Oh, on a du plaisir. On se touche même pas, pour on a du plaisir. Mais pour que vous puissiez vous remémorer, comme j'ai dit depuis le début, on va faire jouer une petite chanson. Puis après ça, on va aller improviser dans un livre, comme je vous l'ai dit, Contes et nouvelles de Charles Bukowski. Inside my head, I let it go to work, bringing madame. Vous saviez que le livre que je vous parle depuis le début de Bukowski, là, c'est un j'allais dire un recueil. C'est un recueil. Ça ramasse les quatre livres suivants, Contes de la folie ordinaire, qui a été filmé. Ben, ils en ont tiré un film. Ensuite de ça, Nouveau conte de la folie ordinaire, Au sud de nulle part, un livre que j'adore. Ah, oh, incroyable. Et puis par la suite, ça recueille aussi Je t'aime, Albert. Bon, alors là, comment je vais fonctionner? C'est simple. J'ouvre le livre, je cache le titre. Je vous jure, attendez, je vous jure que le quiche est caché. le quiche est tellement caché que c'est cachère. C'est rendu cachère. Alors, tout le monde peut écouter ça, même les petits cachetiers, c'est cachère. Ce que je voulais lire, oui, m'en va le vous lire en version cachère. On est ouvert à tout ici. Il n'y en a pas de... Non, on joue pas à l'autruche. La tête, on se la met pas dans le sable. Puis ça, c'est un mythe, il paraît. C'est pas vrai que l'autruche met la tête dans le sable. C'est triste de savoir ça. Puis aussi, c'est l'histoire du papillon, là. Tu sais, là, l'histoire du papillon, puis de la chenille, là. C'est pas vrai que la chenille se transforme en papillon. Là, vous allez dire, voyons donc, il dérape. Il a besoin de vacances, là, le 26 février, l'hiver est long, moi, là. Non, c'est parce que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait deux compartiments dans la chenille. Mais il y avait compartiment chenille puis compartiment papillon. Mais elle ne se transformait pas parce que le papillon était déjà dans la chenille. Puis quand il était prêt à exploser, là, ben ce qui se passait, c'est que la chenille, elle se tenait tranquille. Puis le papillon, pouf! Donc, c'est pas la chenille, tu sais, qui macérait pour devenir papillon. Il y avait le chromosome de papillon dans la chenille. Ouais, il se passe des affaires dans le monde. Il y a un grand ours, le petit ours, puis tout ça, puis des douces. Alors, on y va avec le... T'as commencé à déraper, puis ça n'a même pas commencé, le livre de Bukowski. C'est ça, l'histoire. Quand je rencontrais Ron Ballaris, je ne suis pas bilingue, hein, je ne parle pas anglais, l'es-tu mayonnaise, moi, je suis francophone unilingue, heureux de l'être, puis vive le Québec libre. Quand je rencontrais Rondall Harris, je voulais vous avertir que mes prononciations de nom ou de prénom en anglais, ça sort un peu de même. Pour la première fois, là, j'ai perdu le fil, on recommence. Je peux vous dire ça jusqu'à minuit et demi, 2 heures, là, 3 heures et demie, 8 heures maximum. Quand je rencontrais Rondall Harris pour la première fois, il avait 42 ans. Il vivait avec une femme aux cheveux gris, une certaine Maggie Thompson. Ben écoute, moi, je suis pas là pour juger. Il l'aimait. Il l'aimait, puis c'est pas parce que t'as les cheveux gris que t'es vieux. Puis même si t'es vieux, t'as le droit d'aimer comme tout le monde. Y a pas de hiérarchie à l'amour. L'humour est universel et c'est ce qui est merveilleux. Randall, lui. Rondall, là, j'ai un petit dégât, là. C'est pas important pour la radio. Là, je veux tenir la page pour savoir mes personnages. Rondall, lui! Ah, il travaillait à cette époque-là, parce que là, c'est fini, là. Il n'est plus de ce monde, ce Rondall. Non, il a décidé de quitter volontairement. Il est parti à la guerre intérieure de son être propre, qui, à la fin, ne l'était plus. Et... Non, mais la fin est tragique. Je vais même pas vous dévoiler la finalité de cette tête. Ça a été douloureux. Ah! Il savait pas comment abréger. C'est comme les bavards, hein? On sait pas. Ils savent pas quand couper, eux autres. Ça parle. Une chanson de Tom Novembre. C'est la chanson des bavards qui parle. Un peu comme moi. Et puis, donc... Mais moi, c'est parce que c'est pour une émission, là. Pour une bonne cause. C'est quoi ta cause? Rapidement comme ça, là... C'est pour l'épanouissement de la création. Dans toutes ses formes. Puis dites-vous que c'est des belles formes, là. C'est pas des formes, là, presque nébuleuses. C'est pas nébuleux, c'est très clair, c'est très... Exactement, c'est très chargé de sensualité. Et Rumble, ce qu'il trouvait sur Margie. C'est Margie ou Margie? Margie? Margie! Appelle-nous Margie, on va lui demander. Elle est encore vivante, elle, Margie? Elle n'a pas mis fin à ses... Ouais. On peut... Comment ça qu'il est? À New York, il n'est jamais tard. C'est comme à Paris, c'est comme à Londres. Il n'y a pas d'heure là-dessus, là. À Québec, là, c'est certain qu'à partir de 20h, là, wow! Les gens commencent à s'endormir, quoique pendant toute la journée aussi, mais plus vers 20h. Tu sais, le soleil est baissé, les yeux se baissent tranquillement. Puis là, ben, ils seraient d'abord leur journée. Ah, oh, j'ai pris l'autobus. Oh, bon, il y avait des nids de poules, il y avait de la neige, il y avait du verglas, il y avait de la chenoute. Jésus, après ça, quand l'autobus a ouvert sa porte, sa grande bouche pour me laisser partir, mais moi, je voulais m'agripper, puis quelqu'un m'a donné un coup de pied dans le derrière et j'ai été accueilli très froidement par un banc de neige, très froidement. Moi, un banc de neige de même, là, c'est pas humain, cette affaire-là, là. C'est jamais... Moi, je peux même pas qualifier ça, là, d'humanité, là. Ça mérite même pas d'exister, ça. Un banc de neige de même, là, au mois de juillet, c'est un miracle. C'est un miracle de JC. Parce que JC fait encore des miracles, là. Là, on veut appeler... Attends, oui, je sais, on va appeler. Mais oui, mais on cherche le numéro de Margie. Margie, aimes-tu ça quand je dis Margie? Hein? Attends, toi, là. Attends un peu. OK, on y va. Oui, oui. OK, je crois qu'on a la ligne avec Margie. Hey, nous sommes très heureux. Elle habite à Londres, mais à l'époque, elle était new-yorkaise. Nous avons Margie au bout du fil. Margie, bonsoir, bonjour. Quelle heure est-il? Comment ça va? Les enfants vont bien? Avez-vous mangé votre poutine? Elle dit juste sa poutine. C'était une chose ridicule. Je parle-tu au fuck, moi, là? Êtes-vous un fuck, Madame Margie? Alors, on est rendu en Alaska ou... Margie? OK. Avez-vous mué derrière... hein? Depuis quelques jours? Avez-vous des enfants, madame? Êtes-vous heureuse dans la vie? Bon, ce que je tiens à dire avant d'aller plus loin avec Margie Thompson, c'est que depuis la disparition de son mari, de son amant, de son amoureux, vous étiez vraiment ensemble et vous ne formiez qu'un. Et puis, à la mort de votre... amoureux de votre, j'allais dire maître, de votre dieu, de Rumble, vous êtes senti délaissé, vous avez sombré, et vous cherchiez la liberté. Mais bon, on vous a retrouvé. Nous sommes très heureux de vous parler. Je tiens à vous dire, Madame Thompson, je tiens à vous dire que nous sommes très, très peinés par ce qui s'est passé. Bon, c'est certain que les journaux en ont pas parlé, n'est-ce pas? Ils étaient silencieux, n'est-ce pas? Mais au moins, CKRL, la première radio associative francophone au monde, a rappelé ce grand être. Ben, il était pas si grand que ça, hein, mais il cherchait à le devenir. Il montait sur... Excusez-moi de vous couper, madame... Ouais, il montait sur... Excusez-moi de vous... Ouais, il y a deux personnes qui parlent, là. Faites-moi pas un grain. Moi, vous allez voir, je vais arriver chez vous, moi. Là. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, c'est ça. Il montait sur ses grands chevaux, mais il avait peur de mon... Hein, de se rendre là-dessus parce que ça galope. Puis lui, il avait le pied fragile, hein? Le cerveau d'argile. Puis il s'appelait même pas Gilles. Mais non. Madame Thompson? Vous êtes Madame Thompson? Oui, bon. Moi, c'est Reynald Gagné, animateur de l'émission Errance Reynaldienne sur CKRL. Je sais que personne s'intéresse à vous, à votre douleur d'avoir perdu votre Rumble. Mais dites-vous une chose, madame. Dites-vous, est-ce que vous pouvez vous dire au moins une chose? Parfait. Dites-vous, l'essentiel, c'est que nous, à Errance Reynaldienne, nous avons relaté d'une manière quand même assez solennelle, sans trop rentrer dans les détails. Excuse-moi. Sans trop rentrer dans les... Madame... Bon, tout le monde est vraiment affligé par ce qui s'est passé. Mais ça fait déjà combien d'années? Oh, vous ne pouvez même pas parler, vous non plus. Je crois que ça... Excusez. Ce que j'ai entendu dire à travers les branches, avez-vous des branches à vous? Oui, la baie dans ses feuilles, Malinon, Maliné, la baie dans ses feuilles, Malinon, dans le feuillet, un petit goût, dans le feuillet, un petit goût, le goût est dans la baie dans ses feuilles, Malinon, Maliné. Madame Thompson! Madame Thompson, êtes-vous encore là? Oui, lâchez pas le fil, monsieur, madame. Êtes-vous sur le cellulaire, vous? Vous êtes pris dans le fil du cellulaire? C'est fou aujourd'hui en 2018, ils ont même pas réfléchi 15 secondes de mettre plus de longueur de fil sur un cellulaire. On est pris là à rester à côté du téléphone, puis on peut pas s'étirer le cou, puis s'étirer le camp pour aller chercher, je sais pas, un verre d'eau, quelque chose. Il nous restreint, c'est moi aussi de l'esclavage, madame. Excusez-moi. Est-ce que je vous dire, madame Thompson? Est-ce que nous sommes tout à fait avec vous? C'est KRL, les renseignants. Nous vous remercions d'avoir passé à cette émission. Et au moins, dites-vous que votre mari a été reconnu maintenant, ici, ce soir. Avez-vous le dernier mot à nous dire, Mme Thompson? Merci beaucoup. Alors, excusez, c'était le compte. Le compte nouvelle et compte. Hey, envoyez-moi pas de compte à soir, moi j'ai pas le mot de scène. Hey, je paye encore mes cadeaux du temps des fêtes, là, puis je prépare mes vacances. Hey, je crois bien que je vais rester chez moi. J'ai même pas les moyens d'aller dans mon salon, moi rester dans ma chambre. Hey, monsieur. Donc, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est L'expéditionnaire au nez rouge. Hey! As long as I'm singing, there's a bell up in my brain that's ringing, making a crazy ding-dong. And if this band don't desert me, then there's nothing in the world can hurt me. Long as I'm singing my song, give me trumpets, legato, put some saxes with them, strings, pizzicato, and some rhythm. As long as I'm singing, then the world's all right and everything's swinging. Long as I'm singing my song. Is more to me than a pleasure, 'cause me and music, we go together like notes in a measure. Long as I'm singing, then the world's all right and everything's swinging. Long as I'm singing my, long as I'm singing my, long as I'm singing my. Swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you still crowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, and Dolly will never go away again. I said hello, Dolly, well, what do you know? Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swaying, 'cause the band's playing one of your old familiar songs from way back when. So golly gee, you fellas, find her an empty knee, you fellas, and Dolly will never go away again. I mean hello, Dolly, what do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong. I can tell, Dolly, you're looking swell, swell, Dolly. Yeah, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swaying while the band keeps on playing one of your old familiar songs from way back when. So golly gee, you fellas, have a little faith in me, you fellas, and Dolly will never go away again. Just feel that room swaying while that band is playing one of your old familiar songs from way back when. So golly gee, you fellas, find her a vacant knee, you fellas. Aujourd'hui, le lundi 5 mars 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, et même des problèmes reliés à l'amour. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon amie et chanteuse, Émilie Houillon. Émilie Houillon, à partir de maintenant, je vous la présente avec grande joie. Tout ce qui sera diffusé à partir de maintenant, Émilie Houillon. Alors, à toi, mon ami. Johnny a la dégaine avec son cuir à la James Dean. Il a la classe de ce gars-là, ce qu'on ne voit qu'au cinéma. Johnny, c'est un mélange d'un voyou avec une gueule d'ange, en débardeur derrière le bar. Johnny dit, qu'est-ce que tu veux boire? Johnny a sur le bras, à l'encre rouge, à l'encre noire, un long rosier sauvage, sa philosophie en image. Johnny cueille les corps qui vont faner sur son épaule, sur son tatou, la mort à fleur. Mais Johnny dit qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Johnny t'a sur le cœur. Des envies d'amour, des envies d'ailleurs. Mais Johnny, tout ça s'envole. Le monde est meilleur quand tout est long. Sur les routes, tous les pistes, salseur, on dirait qu'il est né pour ça. Il se tient droit, c'est du sérieux. Quelque chose s'allume dans ses yeux. Johnny danse toute la nuit. Parfois il m'emmène avec lui. Et je dis oui jusqu'à l'aurore. Quand Johnny dit on danse encore. Tes envies d'amour, tes envies d'ailleurs. Johnny, nos vies s'envolent. On est fragile comme des corolles. Moi plus j'y pense et plus j'y danse. Vous voyez, t'es en retard. Trois minutes de retard de ma part. Non, mais c'est le décalage horaire. Non, maintenant je suis appelé pour que tu termines. Non, mais j'ai le décalage assez élastique. Mais oui. Ok. Je vais faire tout ce côté-ci, oui, pour quel côté? Ah, mais ça m'est égal. Ici, hein. Allez. C'est joli, cette petite moumoute. Ben oui, c'est parce que j'ai eu un problème. J'ai pris ma douche puis c'est tombé. Donc j'ai été séché. Mais ça paraît pas. Beau, hein? Très joli, on dirait un petit animal. Ben oui, mais. Tu vas te coincer entre le bambou et le. Ouais, c'est pas grave. Julia Palom qui est chanteuse, je sais pas si tu la connais, Julia Palom. Non. Non? Non. Elle l'a appelée la chatte. Donc. Ça me semble convenir totalement. Ouais, ah ouais, surtout ouais. Qu'elle a pris l'eau, la pauvre. Sinon, ça va? Mais oui! Ah, il fait beau! C'est pas encore trop chaud? Moi, je crains pas trop la chaleur. Ah non? Ouais, ça va. Comment ça? T'es immunisé? Je sais pas, ouais, je crois. Non, mais en même temps, plus on est grassouillé, plus c'est difficile pour... Ben, peut-être, ouais. Bon, voilà. Bon, ça va, on a de la marche sous les deux. Quoi. Ben, moi, j'étais un ancien grassouillé. Un ancien ah grassouillé, bon? Ouais, non. C'est mon passé qui revient. Émilie, t'es une fille à tout faire au niveau... Un peu, ouais. Au niveau artistique, tu t'es donné toutes les chances pour pouvoir performer et ne pas te scléroser également. C'est vrai? Ben, c'est ça qui est bien. J'ai un peu touche à tout, ouais. Ouais. Et ça, c'est pour mieux travailler et moins attendre après le téléphone? Ah ouais, j'attends pas après le téléphone. Ouais, j'ai un besoin d'indépendance, je crois. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu fais ce métier-là? Oui, oui. Et puis aussi parce que j'aime qu'une chose soit nourrie par une autre, tu vois. Les arts s'entrecroisent dans ton cas. Oui. Et c'est ce qui te donne une facture assez particulière aussi. Et à quel moment tu as décidé de vouloir te lancer dans les milieux difficiles? complexe de la création en général? Eh bien, j'étais en fac de biologie, figure-toi. Oh, scientifique. On est loin de l'art. On est dans le truc cartésien. Totalement. Okay. Moi aussi, j'ai un lourd passé. J'étais en biologie des populations et des écosystèmes. Oh! Et je commençais le théâtre à l'époque. Il y avait un atelier à la fac. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Excellent. Eh bien, on va boire des choses liquides. Oui, ça serait bien. On va boire, ouais, je vais boire quelque chose de liquide, moi aussi. C'est quoi? Un truc liquide chaud ou plutôt froid? Ben, moi, j'ai pensé un jus de pamplemousse puis un expresso. Ouais, j'ai ça. Puis un petit verre. Ah, vous avez ça? Ok, ah, ben, ça tombe bien. Ça tombe bien, on va rester alors. Ah, ouais. On se prépare à partir, mais si vous l'avez, on va... Génial. Okay. Et moi, un allongé, s'il vous plaît. C'est tout? Ouais, vous commencez, c'est bien. Et puis? Eh bien... Des sciences. Oui, des sciences, moi j'adore. Et puis je me suis dit, j'ai fait un stage au CNRS avec des macaques de Tonkéan et des chercheurs aussi. Mm-hmm. Ouais, c'est un peu moins poilu. Il y a les chercheurs, mais il y a aussi les macaques. Et je me suis dit que ça me passionnait vraiment, mais que si je faisais chercheuse ou trouveuse, bah, en tout cas ça allait me prendre tout mon temps. J'aurais pas le temps d'écrire, de faire de la scène. Mais t'avais déjà cette idée-là? Ça me titillait, tu vois. J'ai commencé la danse quand j'avais 6 ans. J'ai toujours, j'écrivais des romans, même avant de savoir écrire. Je faisais des BD avec des bulles remplies de gribouillis. Ah, ouais. Des gens de hiéroglyphes. Voilà, c'est ça. Ça me titillait. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Donc j'ai décidé d'aller vers la voie dangereuse et sinueuse. La voie avec un X aussi? Pour la voix, pour la musique, pour c'est le... C'est ça, la voix X et la voix E. Oui. Ouais. Et tes parents, comment ils ont pris ça d'une scientifique au micro? Eh bien, c'est scène? Drôle parce qu'ils m'ont vachement soutenue, en fait. En fait, ils croyaient plus te voir là-dedans que de te voir avec les macaques. Non, parce qu'ils étaient hyper fiers aussi de te voir avec les macaques. OK. Je pense qu'ils étaient rassurés quand même du fait que j'avais des diplômes. Ah oui. Tu vois? Pour un parent, c'est rassurant. Ils m'ont soutenu à fond. Ils sont souvent au concert, aux pièces de théâtre, voilà. Spectacle de danse. Ils sont souvent dans le public. À quel moment tu t'es trouvé à l'aise sur scène? À quel moment là, ton choix s'est comme éclairci? Tu voulais plus revenir en arrière et te retrouver avec des macaques? Mais je crois qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, en fait, moi je suis un peu on-off. Donc, okay. Ah oui? Ouais, ah, le quand jour tu fermes les lumières, c'est terminé. Ouais, voilà. En tout cas, quand ça s'applique à moi, hein, ouais. quand je prends une décision pour moi, je trace. Quoi. Mais quand tu prépares quelque chose, est-ce que tu es aussi tranchante? Oui, je manque un peu de souplesse, je pense. Alors, c'est toi qui décides au bout du compte? Non, j'ai un côté un peu stalinien avec moi-même dans mon organisation. Mais parce que, voilà, c'est cette ville de Paris aussi où c'est difficile de... Ouais. C'est tout jungle. Il faut s'organiser, il faut les moindres sous que tu gagnes, tu les mets dans ton loyer. Donc ça nécessite d'être assez organisé pour réussir à avoir un job alimentaire. Mais là, toi, tu n'en as pas, tu t'es consacré. Non, j'en ai encore. J'en ai encore, mais je l'arrête là. Ben, je viens de terminer. Ah oui? Ouais, j'ai donné des cours d'anglais. Ah! À des enfants? À des enfants à partir de 3 ans. Oh. Et jusqu'à... Merci. Merci. Et quelques adultes aussi. OK. À domicile et dans une école maternelle. Alors là, tu as décidé d'arrêter tout ça. Oui, parce que j'en ai marre de faire le grand écart, en fait. Même si ça entretient la souplesse, mais... Oui. Ça donne une certaine aisance monétaire. Aisance relative, hein, mais... Parce que finalement, j'ai pas été très bonne stratège. J'ai choisi un job alimentaire qui n'était pas très fiable non plus. En anglais? Ouais, parce que j'étais à mon compte, tu vois. Donc okay. Quand t'as des annulations, quand il y a vacances scolaires et tout, t'as pas de boulot. Donc en fait, c'était aussi précaire. Ah ouais. Je me suis dit, bon, donc à galérer. Précarité pour précarité, on va faire de l'or. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que depuis le début, tu sens qu'il y a de plus en plus de travail? Sans doute que oui. Tu te fais connaître, tu te fais voir, les gens s'attendent un peu. Je pense que je précise ce que je veux et ce que je ne veux pas. Musicalement, oui, ça commence à grandir. Mais c'est un cercle aussi, la musique. Surtout, les débutantes et les débutants se connaissent entre eux, s'entraident, se filent aussi quelques bonnes adresses. Oui. C'est quand même... vous essayez de vous entraider et de sortir la tête hors de l'eau, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses autant... On est hyper nombreux. Mais ouais. Autant qu'il y a beaucoup de comédiens, l'école Florent, toutes ces écoles-là qui laissent... Ils sont blindés, ils sont blindés. Oui. Donc, toi, tu commences à voir là, qu'il y a un chemin qui se trace. Oui. Par contre, je vois que c'est un choix qui m'engage pour la vie, tu vois. Ah, oui, quand oui, je oui, me oui. suis dit... C'est comme des enfants. C'est ça. J'avais 21 ans quand j'étais en maîtrise et que j'ai pris cette décision de finir, d'avoir mon diplôme et ensuite d'aller faire du théâtre à Paris et tout. Je savais pas encore que je ferais de la musique à l'époque. Mais qu'est-ce qui t'a amené du théâtre à la musique? C'est encore des rencontres, des gens qui t'ont... J'étais sur la création d'un spectacle et c'était un moment où j'avais du temps dans ma vie, ce qui m'arrive rarement. Ah oui? C'était une période un peu bénie. Malgré tout, il te manque de temps? Ah ouais, je cours tout le temps. C'est ça aussi qui me fait réfléchir, tu vois, me dire que je pose un peu. Oh oui. Mais j'avais du temps et du coup j'écrivais. J'étais sur un essai à l'époque et j'étais hyper frustrée de... Je sentais que j'allais pas réussir à finir ce bouquin. J'avais essayé d'écrire plein de romans et tout. Pourquoi je n'ai jamais terminé. C'est un peu mon fantasme, je pense, un rêve d'enfant. Pour moi, l'écriture, c'est un peu central, tu vois, entre le théâtre, la musique. Même la danse, c'est une forme d'écriture. L'écriture scénique, effectivement. C'est le lien. Et en fait, j'ai commencé à écrire des chansons. Mais presque par hasard, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était des petits chantiers humains que j'arrivais à finir et que ça me faisait du bien. Des petites histoires. Ouais, voilà. Ce format m'a fait du bien. Et du coup, comme j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il va falloir un moment où je travaille un instrument pour pouvoir m'accompagner. Ouais. J'ai travaillé la guitare, j'ai commencé à faire de la scène. Je connaissais trois accords qui se battaient alors, en duel. Alors, t'as commencé la guitare à peu près à 20 ans. Là, c'était... non, parce que c'était après mes études de théâtre et tout. J'avais 29 ans, un truc comme ça. Donc, c'est tard. 29 ans, t'as pris ta guitare pour la première fois. C'est ça. On m'avait prêté une guitare de gosse et j'avais une petite guitare classique d'enfant et j'ai commencé à apprendre là-dessus. J'ai déposé mon armure, fixé loin l'horizon, abandonné mes excuses, libre et nu pour de bon. Je pars chasser les sorcières qui hantaient ma raison. Je pars jouer au poker avec mes vieux démons. J'avancerai pour savoir si j'ai raison. la foule des ombres murmure, se méfie. Je défie le nombre. J'imposerai ma folie. Si jamais je me plante, j'aurai pas à rougir. J'aurai tenté ma chance, chevauché l'utopie. À l'époque, j'ai rencontré le bassiste de Jacques Dutronc aussi. J'ai rencontré par hasard dans le métro. Et tu l'as il m'a appris quelques trucs aussi. Non, non. Mais parce que c'était pas tout à fait ma génération, non, tu vois. Non. On s'est rencontrés parce que. il s'est moqué de moi parce que j'ai essayé de rentrer dans le métro avec mes clés. Tu vois. Je pense que j'étais fatiguée. Ou avec tes clés, ouais, ok, t'essayes d'ouvrir la porte avec ta clé. C'est ça. Ouais, j'étais comme si j'arrivais chez moi, mais dans le métro, ouais, ouais. Je me suis plantée. Et m'a dit, mais mademoiselle, ça va pas marcher comme ça. Hein. Il faut un ticket. Ah, c'est bon, c'est bien, c'est excellent. Et puis, là. Et on s'est mis à parler. Et il m'a dit, mais alors, si vous écrivez des chansons, quel instrument vous travaillez et tout. Et puis. Mais est-ce que c'est nommé Mais moi, je connaissais pas le nom du bassiste de Dutronc, tu vois, c'est la génération de mes parents, mais, en fait. Il doit dire, je suis bassiste et je travaille. Bah, au bout d'un moment, il me l'a dit, okay, ouais. Okay. Et moi, je me suis dit, mais ouais, ah, ouais, c'est ça, il bluffe et ah, tout. Ouais, bah, oui, et après, mon ami Google m'a dit, mais c'est non, éclair. C'est bien lui, c'est bien lui. Et donc, il m'a montré plein de trucs, on a composé des choses ensemble, il m'a montré des choses à la guitare, j'ai joué sur une ancienne guitare de Dutronc, c'était chouette, et puis il m'a montré comment enregistrer, aussi j'ai fait mes premiers pas sur Cubase, qui est un logiciel de, oui. de son, voilà. Audio, ouais. Voilà, donc ça... Mais en fait, c'est lui qui t'a pris sous son aile. Ben, pendant quelques temps, on a... Quoi, ça... On a bossé ensemble. Un nombre d'années ou un nombre de mois? Combien de temps? Je pense que ça a duré un an ou deux, quelque chose comme ça. Et il était disponible quand? Ouais, il s'est trouvé qu'on était voisins en fait. Ah oui, bien voyons. Ouais, c'était drôle. Le monde est petit. Ouais. Le monde est petit. Paris est super petit en fait. Hein. Mais tu l'avais déjà vu, mais sans savoir que c'était. Non, je l'avais jamais croisé. On n'était pas du même immeuble, tu vois, mais il était à quelques blocs. Alors c'était pas compliqué pour vous autres. On se retrouvait facilement, ouais. Et c'était un gars généreux pour te donner ouais, ces petits... Ouais, carrément. Et par la suite, ça a été une école extraordinaire. Un gars qui avait de l'expérience, un type ouais, qui avait vécu. Ouais, et puis après, il y a eu l'école des bars, tu vois. Parce que dure école des bars. J'ai commencé à faire les scènes ouvertes. Dure école. Surtout vers la fin de la soirée. Là. Ah, et quand t'es une femme seule sur scène, ouais, c'est technique. Mais... Il faut bien se tenir. Parce que... Non, c'est plutôt pour faire se tenir bien son public. Quoi. Oui, oui, oui, oui. Pour parce les cadrer. En soirée, quand ils ont un verre de trop, c'est pas facile. C'est clair. Et qu'est-ce que tu veux raconter dans tes chansons? Bah, j'ai envie de raconter le monde comme je le vois, comme je le sens. Et comment tu le vois? Et... complexe, très complexe. Pour une scientifique, c'est certain. Oui, j'aime bien plonger un peu dans les méandres de chaque cerveau humain, essayer de comprendre les parcours des uns et des autres. Et j'écris beaucoup, j'aime bien dire que j'écris pour les gens et pas sur les gens. Tu vois, un peu comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un, en fait. Comme si tu offrais un cachet pour soulager Oui, alors je sais pas si j'ai des vertus thérapeutiques, mais... Ben, la musique, oui, sans doute. La musique, c'est là pour relaxer, pour nous faire du bien, pour nous faire oublier les embarras familiaux, l'école, tout ce qui nous entoure. C'est vrai, qui nous, c'est vrai. Mais sans le savoir. Hein. Et est-ce que c'était ça que tu voulais faire au début, ce genre d'écriture-là? Ou si ça s'est modifié avec les années? Au début, je parlais beaucoup de mes déboires amoureux. Ah, ben oui. Ouais, c'était une bonne source d'inspiration. Surtout dans la vingtaine. Hein, on a des choses à dire, les premières amours, les amourettes. C'est ça. Les amours déçus. Et puis, oui, ce que je détectais chez les hommes et peut-être ce que je détectais aussi chez moi, de choses qui ne sont pas en place, de mécanismes un peu idiots. Donc, c'était une belle source d'inspiration. Et puis, progressivement, j'ai envie de parler de la SDF que je rencontrais en bas de chez moi et qui me touchait beaucoup, de sujets de société un peu plus vastes, mais toujours sous un angle humain, poétique. En fait. Et ouais. Poétique aussi. Ouais. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ah, c'est un peu comme l'œuf et la poule, ça. Oui, ouais. Je crois bien, parce que c'est... Tout est un peu mêlé. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses en attente et qu'il y a une musique qui rencontre un thème, qui rencontre des mots et tout ça, ça se donne la main. Là, aujourd'hui, tu as quand même une facilité à la guitare. Tu joues sans trop tirer la langue. Je suis pas Jimi Hendrix, mais... Non. Mais tu peux bien t'accompagner. Mais ça va, mais je m'accompagne dignement. Alors, est-ce que c'est la musique qui amène les mots sur tes chansons? La musique est hyper importante. Parce que j'écris beaucoup sur des riffs, j'ai besoin... J'écris pas un texte tout seul, déconnecté de la musique, en fait. Ok. Sinon, ça devient poésie dans un... Sur... En tout cas, c'est pas une forme d'écriture qui, pour l'instant, me convient. Ça m'est arrivé sur une ou deux chansons, tu vois, c'est assez rare. Et sinon, j'ai des musiques en attente. Et souvent, je sais, tu vois ce qu'elles vont raconter, ouais. À quel étage se situent, quelle émotion, mais elles attendent le passage, le vrai propos, en fait. Et des fois, ça prend des années, quoi. Est-ce que tu écris ça sur des feuilles à musique ou si tu... Non. C'est par oreille? Ouais, beaucoup à l'oreille. Et as-tu plus de musique ou de mots qui veulent s'exprimer? Eh bien, il y a plus un truc, il y a quelque chose de plus lent pour moi avec les mots qu'avec les musiques. Et j'ai des carnets de notes, j'en ai des étagères, tu vois. Mais, oui. Mais le temps que ça prenne forme, c'est plus lent chez moi. Pourquoi? Parce que tu es une fille de réflexion, ouais, ou de gestation? Ouais, je pense que j'ai du mal à déconnecter le côté rationnel, tu vois. Ben oui, le côté scientifique, c'est ça. C'est ça, ben oui, mais c'est ça, c'est les vieux démons, tu vois. Oui, oui. Mais alors que bizarrement pour la musique, comme j'ai pas une formation de conservatoire académique, et tout, ouais. Voilà, académique, et bien j'ai moins de complexe à faire les choses avec l'intuition, quoi. Elle me dit, ah oui, tiens, j'ai envie d'un pion et après un bao. Oh, okay. Après, je me dis, oui, ok, bon, c'est un sol dièse, d'accord, ah, mais ouais. Je m'embarrasse pas de la théorie et du coup, c'est beaucoup plus sensitif. Oh, oui. Ouais. Et avec l'écriture, je pense que j'ai plus de barrières. De jugement et de... Pourquoi? Parce que tu es trop... tu veux trop bien faire. Ouais, peut-être la bonne élève. Aussi parce que j'ai beaucoup d'influence anglo-saxonne et que du coup j'ai envie que le français sonne comme l'anglais, ouais. Tu vois. Parce que, bah, moi j'ai été élevée avec les Beatles, les Stones, Neil Young, tout ça. Et j'écoute beaucoup PJ Harvey, tu vois, Scott Niblett. Mais PJ Harvey a très bien vieilli, c'est une des rares artistes qui a des choses à dire. Tellement inventive. Mais la guitare, c'est incroyable. Quelle femme, elle tient tout le temps le coup. Mais est-ce que l'avenue rock est quelque chose qui te plaît? Le côté plus rock, plus rentre dedans? Ah oui, oui, oui. Alors la guitare électrique... C'est pour ça. Pour moi, c'est vraiment mon background, quoi. Et trouves-tu qu'avec les années, il y a un fil conducteur dans ton œuvre? J'ai l'impression qu'il y a une cohérence. Je me rappelle une fois avoir parlé avec un ami, je disais non, mais j'ai peur que telle musique s'éloigne de telle autre dans mon set. Il me disait, mais pose pas cette question, la cohérence c'est toi, c'est ton propos en fait. Et on fait le lien de l'extérieur, c'est totalement cohérent. Et je pense qu'il faut réussir à élargir la focale et prendre du recul régulièrement pour se dire est-ce que tout ça, ça se marie bien. Que le son soit réussi. Ouais. À quel moment tu sens l'urgence de faire un album? Est-ce que ça doit venir tout seul ou c'est avec les années, tu dis bon ben là, je viens de faire un album, j'ai fait une tournée d'un an et demi, peut-être c'est le temps de refaire un album, ou si c'est quelque chose qui vient te chercher ou un événement dans ta vie privée ou dans ta vie en général qui te dit bon ben là, faut que je prenne un papier, il faut que je prenne ma guitare et que je prépare quelque chose de solide pour dire ce qui s'est passé. Mais là, j'en suis un peu là. En fait, pour moi, le disque, là, j'ai sorti le premier fin avril. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme une photo, un instantané d'une époque, en fait. Ouais. Et je crois que j'avais besoin de ça, besoin de un peu de marquer le coup, de me dire, ben voilà, à cette étape de ma vie, j'en étais là. Vraiment comme un symbole. Et puis d'avoir l'objet, c'est beau d'avoir cet objet que tu vends à la fin des concerts. Ouais. Et de se dire que si ça a plu aux gens, ils repartent avec un petit morceau de toi chez eux, quoi. C'est complètement mégalo, en fait. Non, mais c'est le souvenir aussi de certaines chansons qu'ils ont adorées. C'est maintenant sur le disque, c'est couché sur le disque, c'est là et ça leur appartient. Ils vont la placer sur la platine à un moment peut-être privilégié de leur c'est vie. C'est ça. Et c'est un vrai... Voilà, quand il n'y a pas une prod derrière, parce que moi je suis en autoprod et tout, c'est un vrai... Comme la majorité des gens que je rencontre. C'est ça, bah, j'imagine bien. J'étais belle et que j'aurais bien fait mon chemin. Alors j'aurai honte de mes mains. J'aurai honte de mes mains. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage. Alors j'entends au fond de moi une petite voix qui s'ouvre et gronde que je suis seule au monde. C'est un boulot phénoménal faire un disque. Et du coup, il a du sens cet objet parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie, de temps, d'énergie, passion, de travail, de persévérance aussi. C'est ça. Et du coup, je peux pas dire que pour l'instant, tu vois, j'ai un, là, c'est tout un beau, rythme de, ouais. Voilà, de production non. D'album, tu vois. Là, mais là, je commence à me dire, bon, j'ai envie, je pense au suivant, tu vois. Je me dis, bon, alors. Même s'il vient tout juste de sortir, ça fait pas longtemps, au mois d'avril, tu crois. Ouais. Mais déjà, il y a un peu une pression, alors j'essaye de pas trop Mais on parle du mois d'avril, mais est-ce qu'il était en gestation depuis longtemps, comme c'est un premier album? En gros, j'ai mis 2 ans à le faire. Et quand le temps d'enregistrer, de mixer, de masteriser, de trouver l'attaché de presse, de faire tout le design graphique, de trouver un distributeur, tout ça, de trouver l'endroit où faire la release party. Enfin, ça a été une aventure. Comme c'est ton premier album, ouais. C'est quand même assez fou. À quel moment tu te dis, oh ben là, le mixage, c'est fini. Faut arrêter. C'est hyper dur. Faut arrêter parce c'est que. C'est hyper dur. Oui, j'ai plus les moyens financiers, ça coûte cher. De 2, si j'en mets trop, ça va surenchérir ma chanson, ça, on va oublier tout le reste. De 3, est-ce que c'est celle-là que je présente au public? C'est hyper dur de faire ce choix. Puis surtout, c'est pas juste une fois, là, c'est si t'as 10 pièces musicales. Là, il y en avait 5, c'est un EP. EP, oui. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de belles, tu vois, de beaux hasards et de belles rencontres. C'est qu'à la fois, je suis dans une démarche solitaire, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue, et notamment ce disque. Il a été co-réalisé et mixé par un ami qui s'appelle Nathan Arnaud et que j'ai rencontré peu avant le disque en fait. Ouais. Oh. Pareil, un voisin que j'ai rencontré, on se voyait souvent à la terrasse des cafés. Vous êtes plusieurs artistes dans le quartier où tu habites. À l'époque j'habitais vers Gambetta. Oui. Et on se croisait souvent. Et puis on s'est rencontrés autour d'un morceau. J'avais fait un live, c'est le morceau dont l'album porte le titre, qui s'appelle Je fume. Et c'est pas vrai. À l'époque, je fumais pas mal quand je l'ai écrit. Mais pourquoi t'as arrêté de fumer? En fait, j'ai jamais vraiment commencé. Je suis pas très assidue sur la cigarette. Ok, c'est quand tu prends une bière. Après, les moments de stress, j'ai eu des périodes où je fumais plusieurs, mais j'ai jamais. Moi, ça me fait peur d'être dépendante. Non, mais tu fumes encore, mais c'est pas. Ça peut m'arriver de pas fumer pendant un mois, tu vois. Et puis, à une soirée, je vais en fumer 4 parce que. Ok, tout le monde fume, donc. C'est ça. L'alcool est dedans. C'est ça. Il y a les associations, cigarettes, café, cigarettes. Mais du coup, tu me posais la question de quand est-ce qu'on arrête, et là, pour le coup, Nathan, qui a plus d'expérience que moi là-dedans et qui est non seulement musicien, mais aussi ingénieur du son et tout, j'ai pu me reposer un peu sur lui pour ce genre de choses. Ça connaît, ça. Voilà. Et en même temps, il a su comprendre très très finement où j'en étais, c'est-à-dire que moi, mon but, c'était de faire avec les moyens du bord et de me dire, j'ai pas envie de faire des arrangements de dingue, je veux partir de ma guitare et de ma voix et pas des micros de dingue. Et il a compris ce cahier des charges. Alors, c'est un type qui est attentif à tes besoins? Complètement, il a tout à fait compris et c'était beau de peaufiner cet objet ensemble et puis du coup de se découvrir dans le travail. Et il a aussi arrangé Je fume. Voilà, il a arrangé un des morceaux du disque et tout en arrêtant de fumer. Lui aussi. C'est assez balèze. Bon, ça a été mais lui, c'était un vrai fumeur. Mais pas en dilettante. Oui, mais c'est une chanson qui a dérangé beaucoup de personnes. Toi, tu fumes beaucoup moins. Lui qui a arrêté de fumer, qu'est-ce qu'il a dit cette chanson-là? Mais je pense que c'était, je sais pas. Est-ce que le personnage meurt à la fin? Tu vois, mais... Est-ce que le personnage meurt à la fin? Non, au contraire, elle vit à la fin. C'est une femme qui fume parce que pour pas se consumer d'amour, tu vois, elle grille des cigarettes, oui. C'est un peu ça. Ah oui. La fumée, c'est un peu une métaphore des nuages qu'il y a dans sa tête. Et à la fin, je dis, je fume, mais pas question que mon cœur assassine mes poumons. Oh, c'est bien. Voilà. Ça doit être le mot assassiné qui l'a fait arrêter de fumer. C'est quand même très un peu fort. Dur. C'est, ouais, assassiné, c'est. Ouais, je suis mon propre meurtrier. C'est ça. Est-ce que les plus dures peines valent la peine qu'on se fasse du mal, quoi, finalement. Mmh. Il y a un truc lumineux à la fin de... Une ouverture, quoi. Parce que moi, j'ai entendu uniquement deux chansons. Ouais. Et tu viens d'utiliser un mot qui revient souvent, en tout cas, que l'on ressent souvent lorsqu'on t'entend, c'est le côté lumineux. C'est vraiment pas des histoires qui se finissent mal. D'accord. C'est rare, c'est vrai. C'est marrant, hein. Pendant un moment, je m'excusais sans arrêt sur scène. Attention, c'est des morceaux un peu durs, un peu tristes et tout. Et puis en fait, non. Je me suis fait engueuler par. Ben oui, le public. Ouais, mais ça va, tes chansons sont pas déprimantes, ben t'arrêtes. Non. Voilà. Non, mais parce que tu sens là-dedans qu'il y a une réflexion. Dans cette réflexion-là, la personne s'en sort. Oui, et puis finalement, c'est des chansons sur des gens qui bataillent, même des chansons sur les gens qui sont à la rue. J'ai écrit une chanson pour Zora, qui est une SDF, qui est elle aussi battante, tu vois, malgré tout. Est-ce que tu connais la chanson SDF de Alain Leprest? Ah non, je ne la connais pas. Je connais Alain Leprest, mais je ne connais pas cette chanson. Écoute, là, c'est hallucinant. Hallucinant. Surtout, c'est en crescendo. Ça commence SDF, puis à la fin, c'est merveilleux. C'est une chanson qui, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Je l'écouterai. Oui. Je te l'enverrai. Parce que tu peux l'oublier. Et tu sais que j'ai un cadeau pour toi. Ben voyons. Je sais pas où j'ai mis mon sac, il est là. Ah, pfiou. Justement, je t'en ai amené un tout beau, tout neuf. Oh, merci. Oh, je fume. Ouais. Et je te mettrai un petit mot à l'intérieur, si tu veux. Oui. Est-ce que... lorsque tu... Ah, mais un autre truc assez Vas-y. Un autre truc assez fou. Bon, il y a le montage. À un moment donné, tu dis j'arrête. Ouais. Là, c'est bien beau d'avoir le montage, mais là, tu as 5 chansons. La hiérarchie des chansons. Oh là là, mais c'est... C'est fou, hein? C'est tout pour nous. Sommeil. Ouais. Ben là, c'est pareil. C'est une question de réussir à se reculer un peu. Parce que quand t'as le nez dans les micros et les guitares, tu vois pas, en fait. Et là-dessus, c'est un peu la scène qui m'a guidée parce que je voyais qu'avec Je Fume, déjà c'est grâce à Je Fume que Nathan a eu envie qu'on bosse ensemble et tout. Et j'avais l'impression que dans les concerts, c'était la chanson la plus universelle quelque part. Parce que même ceux qui n'avaient pas résolu leur problème amoureux dans la cigarette, tu vois, ils me disaient ah, ça me parle en fait, ça me touche, ces moments où on est un peu perdu et on sent qu'on n'est pas au bon endroit et on commence à se dire il faut que je change un truc là, un truc qui va pas. Et du coup j'avais envie de mettre cette chanson là en début, avant. Ouais. Parce que c'était le phare de ton album. C'est ça, c'était un peu ce qui donnait le cap. Le fil conducteur. Voilà. Et les autres est-ce que se sont placés seuls? Sans trop de travail intellectuel parce que tu es une scientifique. Mais c'est vrai, c'est fou ça, la science et l'art, parce que c'est. Il n'y a rien en commun là-dedans. Rien en commun. Mais je sais pas. Moi je me rappelle de mon prof de génétique des populations qui nous parlait de Zola et de. Tu vois, j'ai eu des profs vraiment prestigieux. Et qui n'arrêtait pas de faire des ponts, au contraire, entre la philosophie. En fin de compte, c'est très, très, très connecté. Et c'est beau, ça. Moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, de rassembler les pièces d'un puzzle et de me dire, c'est cohérent, tout ça. Il y a des choses, il y a des passerelles à faire dans tous les sens. Mais c'est sûr qu'un scientifique va écouter de la musique, va lire, va aller au cinéma, ça, c'est certain. Mais il va peut-être attribuer ça aussi à son travail. Les références, pour lui, ce sera son travail. C'est pour ça qu'un professeur... va te remettre des clés intellectuelles qui sont autres que scientifiques. À travers le cours, s'il y a une chanson qui est rattachée à ça, c'est plus facile pour l'élève de comprendre. Parce que qui n'a pas lu d'Émile Zola? Bien sûr. Donc, les références sont plus faciles. Mais ce qu'il voulait nous dire avec Zola, c'est que dans je sais plus quel livre de Zola, il était question des peaux des ouvriers qui étaient plus blanches parce qu'elles étaient blanchies par des années de savon et en fait il nous disait que ça nous montrait que l'Europe est plutôt instinctivement est plutôt tournée vers les germinal. Caractères acquis. C'est germinal. Ouais, ça doit être dans germinal. Oui, excuse-moi. Et contrairement, tu vois, au continent américain, on est plutôt dans l'inné, tu vois. Il faudrait un gène pour tout. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, la recherche scientifique, elle est aiguillée, orientée aussi en fonction de... une société et d'un inconscient collectif, c'est ça que je trouve beau au final. Il n'y a rien de totalement cartésien, tu vois, on est toujours influencé par le courant, Je fume pour oublier tes yeux, du premier soir je fume, pour effacer les promesses dissipées, l'évidence du départ. Je fume comme je t'attends, je fume bien trop souvent, je fume pour supporter ton silence, styliser mon impatience. Je fume des cigarettes, je fume comme tu me tournes la tête. Je fume comme j'ai envie de toi. Se sont placés presque Ben, c'est un peu comme quand tu construis un set sur scène. Tu te dis, bon, alors est-ce que là, j'emmène les gens à quel endroit émotionnel? Où est-ce que j'ai envie de les amener après? Où est-ce qu'il y a un pont à faire de l'ordre du sens? Ou est-ce que le pont, au contraire, il va être plutôt rythmique? Qu'est-ce que, voilà. On va réveiller un peu. C'est ça. J'ai mis Johnny après Je fume parce que justement j'avais envie de rentre dedans quelque chose de clinquant après, de plus rock. Peut-être plus rock. Mais c'est des, ce qui est bien dans cet album là, c'est que les chansons ont vécu sur scène. Oui. Donc il y en a qui se sont éliminés tout seuls. Quand ça commence à discuter dans un bar, c'est toujours un signe de... Oui, tu sens quand est-ce que tu chopes les gens. Ou tu peux... Parce que, et tu es déjà à modifier des mots quand tu vois que sur scène, ça ne fonctionne pas à certains... Ou la musique modifie. Il y a des choses que je modifie, oui. Après, ce que j'ai découvert, moi, avec ce disque, c'est qu'une chanson, elle a une vie sur scène et elle a une vie en studio. Ah oui, OK. C'est pas la même chose, non, en fait. Non, OK. Et du coup, tu révises les structures de tes morceaux quand tu fais un disque. Tu les... Après, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui ne jouent pas leurs morceaux avant qu'ils soient sortis en album, tu vois. Mais toi, j'ai vraiment dû découvrir tout ça. Et pareil, de reprendre la scène une fois que tu as enregistré un disque, tu te dis, ah ben maintenant, quand je ramène cette chanson sur scène, qu'est-ce qu'elle va porter comme mémoire du travail qu'on a fait en studio? Parce que je me retrouve toute seule, donc je ne peux pas faire les chœurs. Et comment je nourris tout ça, de ce qui s'est passé en studio? Mais l'intérêt aussi, c'est que quand tu l'as fait en studio, tu l'as comme... tu as fait tes classes. Donc, tu l'as travaillé, tu l'as arrêté. Un peu comme un scientifique, tu l'as arrêté, tu l'as analysé. Donc, tu vas te décortiquer. Parce que sur scène, encore c'est plus scientifique que moi, Rénald. et donc, sur scène, si t'es plus lâché, t'es plus relâché. Donc, c'est le côté plus théâtral qui rentre en ligne de compte. Oui. Le studio, c'est plus cartésien. Et la scène, c'est beaucoup plus théâtral. Donc, c'est deux écoles différentes. C'est deux écoles. Mais tu préfères les vérifier avant devant le public, ça. Mais c'est surtout qu'en studio, tu peux mettre autant de pistes que tu veux. Sur scène, là, en l'occurrence, en ce moment, je suis en solo. J'ai qu'une guitare, alors j'utilise un looper. Je fais un peu de... Ah, c'est bon, ça, hein? Voilà. La réverbération, tout ça, puis les des boucles et tout, ouais. Dominique A fait un concert au Gouffre du Nord. Ah, mais c'est un de mes concerts préférés. Je le regarde sur YouTube. J'adore ce concert. Il est magnifique. Hey, mais c'est vraiment... J'aurais aimé tellement le voir en vrai, quoi. Avec les pédales, il peut... Oui. Tu te dis, je suis sûr qu'il y a des musiciens, le se regardent quand la caméra charge. Mais il n'y a personne. Moi, c'est l'endroit de Paris où je rêve de jouer, déjà, parce que ce théâtre, il est tellement beau. Est-ce que tu essayes un peu de recréer ça, un environnement guitaristique avec les pédales, avec... Alors, j'essaye de créer quelque chose de... Est-ce que c'est difficile? Un tapis, tu vois, pour pouvoir poser la voix. Après, je me rends compte que je suis très gourmande aussi et qu'il ne faut pas que je me laisse trop happer par la technique parce que j'ai envie de transmettre ces textes. Donc, il faut quand même que ça reste... Ah oui, audible. Absolument audible, et puis que ça reste ma priorité de transmettre le... C'est pas les Stooges, là, c'est des textes que tu veux faire entendre. Donc, il faut trouver un juste un milieu. Équilibre, et puis ça dépend aussi des morceaux. Et là, ce à quoi je commence à réfléchir avec les loops et les nappes de son, c'est de me dire... Bien sûr. C'est de pouvoir à un moment poser ma guitare et danser, par exemple. Tu vois, parce que j'ai des choses à dire. Un peu comme Peter Harvey le fait aussi. C'est vrai, là surtout qu'elle a plus sa guitare sur la dernière tournée. C'est vrai, c'est peut-être un peu regrettable. Je sais pas, en même temps, j'ai découvert comment elle bougeait et comment elle incarnait sa musique. Parce qu'une fois qu'on lâche la guitare, on est tout nu quand même. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Parce que ça protège. Oui. La guitare est comme un intermédiaire entre toi et le public. Et est-ce que c'est difficile de... Parce que la guitare, c'est une école, mais les pédales aussi. Oui, au début, je me disais, oulala, j'ai l'impression d'être Fred Astaire, là. Ouais, exact. C'est difficile, il y a eu des ratés, au début. En studio ou en spectacle? Sur scène, tu crois que tu vas enclencher un truc, puis en fait, tu coupes le son. Il faut la... Et là, t'es content d'avoir fait du théâtre avant, parce qu'il faut pouvoir... S'en sortir. C'est ça. Dignement. C'est ça. Dignement. Et oui, il y a des ratés, mais je suis dans une espèce de quête d'apprentissage et j'aime bien mettre des défis, tu vois. Et je suis contente là, de faire des choses maintenant que j'aurais pas imaginé pouvoir faire il y a un an, deux ans. Tu deviens de plus en plus audacieuse dans ta... Oui, en tout cas, dans ton approche. Je me dis, ah, mais je suis capable de gérer un peu de technologie, de technique sur scène. Il y a des gens qui me disent, ah, mais tu n'essaierais pas d'avoir des trucs préenregistrés sur ordinateur et tout. Et je dis, non, non, non, un ordi, c'est trop. Mais si ça se trouve, dans deux ans, j'aurai 15 ordis sur scène. Et est-ce que, ouais, mais non, mais ça se peut. Ça, qui dit que ça... Mais est-ce que tu laisses la place à l'improvisation? Alors, justement, c'est pour ça que j'ai envie de lâcher. Guitaristique, il y a une petite part, mais elle n'est pas énorme. Okay. Et je pense que j'ai pas assez de bagages okay. pour faire ça. Quelle sorte de bagages tu parles? Ouais. De bagages? De bagages techniques à la guitare. Et puis, je ne sais pas si c'est cohérent avec ce que je propose sur scène, tu vois. Okay. Ouais. Mais entre les chansons, là, tu te lâches. L'improvisation, elle est plutôt voilà, verbale. Et j'aimerais bien improviser des textes sur des boucles. Enfin voilà, je commence à penser à des choses. Oh, c'est je bien te ça. Parlais de souplesse là tout à l'heure. Oh, oui, oui. Et là, je fais un balancement qui se voit pas du tout à la moumoute, mais le cœur. C'est radiophonique, c'est radiophonique, je te dis. Le son de ta voix, c'est ça. Il y a pas de caméra dans le bambou. mais la voix s'ondule un peu ouais, comme. Ouais, voilà. Dans ce que voilà. J'ai envie que ça soit plus souple et. Et j'ai envie d'essayer de proposer une forme scénique différente aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est très nombreux à chanter avec notre guitare, tu vois. Et il y a plein d'univers très différents. Mais j'ai envie d'inclure la danse et peut-être... Parce que là, tu danses pas beaucoup là, actuellement. Non, pas en ce moment. Et j'ai envie de raconter des choses... À un moment, le corps prolonge la voix, tu vois, ou la musique, qui est quelque chose à raconter avec ça. Et j'ai envie de travailler ça, d'expérimenter là-dessus avec une chorégraphe ou un chorégraphe, tu vois, okay. qui pourrait m'aider un peu à construire quelque chose, qui a un fil rouge sur le spectacle. Mais voilà, de penser à un objet un peu un ovni scénique, quoi. As-tu déjà pensé de faire affaire avec des danseurs aussi? Alors j'aimerais bien, c'est encore un autre boulot. J'avais fait ça sur un clip qui s'appelle Le Boxeur. Et c'est celui que j'ai vu, hein. Tu l'as vu, ouais. Et ça, c'est Héloïse Desfarge qui a fait les chorégraphies. Et elle a une compagnie qui s'appelle La Débordante Compagnie, avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques... Ouais, j'adore. Elle a beaucoup de travail, hein, La Débordante. Elle déborde ouais, d'inventivité et de propos et d'énergie. Et c'est avec cette compagnie que j'ai commencé la danse contemporaine, en fait. Et ça fait combien d'années que tu danses? Eh ben, j'ai dansé 2 ou 3 ans avec cette compagnie et puis j'ai dû arrêter parce que je voulais avancer musicalement et que ça me demandait beaucoup de temps. Ok, là tu avais mis de côté la musique pour te consacrer non, à la danse. Non, j'avais commencé la musique mais tranquillement. Et du coup, il y a un moment où j'ai mis le théâtre sur pause, la musique sur la danse sur pause et là je commence à réouvrir les choses et... Et j'ai envie de reprendre tout ça aussi pour être dans des énergies collectives, tu vois. Ah, t'aimes ça, le groupe. Mais oui, bon, moi je suis une grande solitaire, mais... Ça, c'est dans la création, après, quand tu veux voilà, montrer... Voilà, j'ai besoin même de création collective, de sentir les énergies et les idées aussi les des idées autres. Qui s'ajoutent, voilà. Est-ce que tu te considères comme une féministe? Ah bah oui, absolument. Absolument. Et ça se témoigne comment? C'est dans ton écrit, c'est ta façon de bouger sur scène ou la... C'est vrai, il y a des... La façon de bouger sur scène. Bah oui, déjà dans le propos des chansons, j'ai une chanson qui s'appelle Les Ovaires, que ouais, je joue ouais. sur scène. Et si j'ai pas vu sur scène, mais je l'ai déjà entendu sur YouTube. Bah écoute, je viendrai jouer... Oui, bah oui. Je viendrai jouer à Montréal, toi, tu es à Montréal, Québec, hein, Québec. C'est ça? Québec. Québec, oui. Bon, bah, je viendrai jouer à Québec. Mais je fais des mini-concerts sur les bancs publics ici. J'en fais 3 par année quand je viens ici. D'accord. Et il y en a un ce soir. Oh, mais alors du coup, soir, je suis en concert. Non, mais c'est la guitare électrique que tu fais. Ah oui, mais je peux faire un set acoustique. OK, l'année prochaine, on va se trouver une place. Excellent. Ah ouais, ce serait super. Excellent, oui. Donc, oui... Et les ovaires, en fait, je me souviens d'une petite élève, justement, d'anglais qui m'avait dit « Mais toi, c'est quoi ton métier ?» Et je lui avais dit « Ben, je suis professeure et puis je suis musicienne. » Elle m'avait dit « Mais non, tu peux pas être professeur parce que professeur, c'est pour les garçons. » Et je me suis dit « Oui, c'est vrai que l'idée de féminiser les... » Ouais, mais professeur, eux, tu n'entends pas à l'oral, tu vois. 313 est chacune un cauchemar. 313 à entrer dans l'histoire. femmes unies par le sort, de tous âges et tous bords, elles sont 313 à oser, 313 à dire on m'a violée, 313 à parler démasqué, à mêler leur courage, leur nom en première page, elles sont 313 à signer, 313 pour 100 000 qui se taisent, 313 à réclamer justice, les victimes invisibles, les violeurs à l'air libre, la honte se tromper. Rénaldienne sur CKRL MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Et je me suis dit, évidemment, c'est pas, ça heurte notre oreille de féminiser comme ça les noms de métiers, mais j'ai l'impression que c'est important pour que les enfants puissent se projeter, aussi bien les petites filles que les petits garçons, parce que les mots sont importants. Les mots, ça forme les pensées aussi, on le sait. Et du coup, j'ai écrit une chanson avec que des noms de métiers au féminin, mais des métiers qu'on n'attribue pas forcément, tu vois, déménageuse, exploratrice. Et le refrain, ça dit j'ai les ovaires pour le faire. C'est bon, ah, c'est bien. C'est comme une revendication. Parce que j'en avais marre que le courage soit que dans les couilles aussi. Oui, c'est vrai. Je trouve ça un peu dommage. Oui. Parce qu'il y a plein de femmes très courageuses et puis plein d'hommes qui ne le sont pas forcément. Qui viennent nous quitter. Ah, une grande femme, oui. Une grande femme. Et qui a laissé quand même sa trace. Elle a... Un sacré héritage, oui. Et tant mieux. Tant mieux, mais quand tu regardes aujourd'hui, en 2017, la condition de la femme a évolué, mais très lentement. Il y a du boulot encore. Ah oui, c'est... tout est à refaire. Et tout est à faire. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais... Ouh là là! Si tu étais un liquide. Un liquide? Oh là là! Du thé vert au gingembre. Ah oui, tu bois beaucoup de thé? Ouais, j'aime bien. Je suis une grand-mère, moi. Oh. J'aime bien les eaux chaudes avec des plantes qui trempent dedans. Okay. J'ai une espèce d'herboristerie chez moi. J'adore. Alors, t'as le choix. Là. Quand t'arrives chez toi, là, t'es devant tes feuilles. Tu mélanges. Voilà, j'adore ça. Et je rêve d'avoir un jardin et de pouvoir Tu bois ça le jour, le soir, la nuit. Oui, j'adore. Si tu étais une ville. Une ville? Écoute, Paris, hein. Paris, c'est la ville qui m'a adoptée et que j'ai adoptée. Ça fait... Parce que toi, t'es native de... Je suis née dans l'Est de la France. Oui. Et ça fait depuis 2001 que je suis à Paris. Et j'ai l'impression d'être parisienne, tu vois. Alors, j'avais 16 jamais ans. Vécu quelque part aussi longtemps. Et c'est quel arrondissement que tu adores davantage? Chacun a sa façon de montrer sa lumière, de montrer sa beauté. Oui, et puis ce que je trouve fou dans cette ville, c'est, même si elle est dure, hein, elle est dure parce que cette ville, progressivement, on gentrifie, on évacue tous les pauvres et on garde que potes les plus riches. Ouais. Et moi-même, je sais que probablement je vais finir par partir parce que j'en ai marre de vivre dans des apparts minuscules avec pas de lumière. Un prix de fou. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, cette ville, on rencontre le monde entier ici, ouais, à chaque coin de rue, et je trouve ça tellement, tellement riche. C'est vrai, c'est vrai. Donc, puis quel arrondissement en particulier? Oh, moi j'adore l'Est. Ah oui? Le 10e, le 20e. Ben, toi, t'es né aussi dans l'Est. C'est donc, ça, je suis né dans l'Est. L'Est attire l'Est, t'as raison. Et dans le 20e arrondissement? Oui, j'ai vécu vers Gambetta. Ah oui, oui, oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Et c'est là que tu as rencontré le guitariste et l'un autre. Absolument. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Tu sais quoi, mon rêve? Je crois vraiment, si un jour je croisais un génie dans une lampe ou un vieillard ou une vieillarde avec une baguette magique ou des potions magiques, moi, mon truc, ce serait de parler toutes les langues du monde, en fait. Oh. C'est un truc que je trouverais magnifique de me dire que, où que j'aille... Je suis comprise. Je suis comprise. Alors déjà, il y a ça, mais il y a aussi je comprends l'autre. En tout cas, j'ai une porte. Quoique la chanson en est une porte. Oui, même si c'est en français, la façon dont tu la chantes, la façon dont tu la présentes, la façon dont tu bouges ta chanson, et la musique aussi donne... pas besoin d'être... de connaître l'anglais pour apprécier Bob Dylan ou P.J. Harvey ou toutes ces grandes vedettes. Même le russe Vysotsky chante et on comprend même si on connaît pas la langue. Donc, oui, on est touché. Alors, une langue n'importe laquelle? Eh bien, du coup, là, toutes les langues. Je peux pas choisir. Oh! Oh. C'est ça t'as que beaucoup je veux. De boulot à prendre toutes les langues. Ouais, c'est vrai. Tu parles le français, ça, c'est l'anglais? Oui. Ensuite? Un tout petit peu d'allemand, parce que je l'ai fait jusqu'au bac, tu vois, okay. Mais j'ai oublié. J'ai oublié parce que je le pratique pas, en fait. Et je regrette fortement de pas avoir appris l'espagnol à la place de l'allemand dans mes études, parce que... Déjà, j'ai une gueule d'espagnol ou de méditerranéenne, en tout cas, tu vois. Ouais. Souvent, dans la rue, on me parle comme si j'étais espagnole, tu vois, même sans me demander. Et moi, à part dire bonjour, je suis un peu, voilà. Okay. Et plus souvent, j'ai rencontré des hispanophones que des germanophones. Et je me dis, bon, dommage, j'aurais dû... Mais bon, il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Ben oui. Mais là, tu n'as pas de temps. Ah, pour l'instant, non. Mais ça va venir. Oui. Ça va venir. Tu dis souvent que, ben, je te l'ai fait dire encore, que tu n'as pas de temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est un peu ma bagarre, hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression de beaucoup m'organiser, travailler. Moi, je suis une grande dormeuse, en plus. Oh! Tu vois, donc je suis plutôt une couche tôt, lève tôt. Tu vois, j'adore le matin, l'énergie du matin. Faire les petites salutations au soleil. Ah oui? OK. Genre yoga, c'est le yoga? Ouais. Ah, tu fais du yoga? J'aime bien commencer par ça, ma journée. C'est depuis combien de... Ben, parce que du yoga, c'est presque une sorte de religion où il faut se l'accaparer, c'est pas facile. Philosophie, ouais, en tout cas, ça depuis combien d'années? Ça connecte le corps et l'esprit, quoi. Ouais. Une façon d'être un peu dans le présent, parce que d'être j'ai ancré. Du mal à, tu sais, à être dans le présent. Je suis en train de penser à ce que je vais devoir faire tout à l'heure. Ah ouais, tu fais la projection? Voilà. Ouais. Donc j'essaye de calmer. Et ça fait combien d'années que tu fais du Le yoga, ça fait, je sais pas, 5-6 ans que j'ai découvert ça, mais ça fait pas 5-6 ans que j'en fais le matin. Okay. Mais au moins, le déclencheur a commencé il y a 5-6 ans. Et puis après ça, à un moment donné, il faut que je prenne le temps de prendre des cours de yoga. Ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps, c'est ça? Eh bien, écoute, je prends beaucoup de métro à Paris, tu vois. Notamment quand j'allais donner mes petits cours, je les donnais dans l'ouest parisien. Donc je faisais à peu près 2 heures de métro par jour, entre 2 et 3 heures. Donc dans le métro, ben, soit je fais la businesswoman, tu vois, j'écris des mails, voilà. Soit je me dis c'est du temps volé et je lis. Oui, donc voilà. C'est vrai que se déplacer, c'est... Ouais. Et t'as pas de vélo, tu préfères le faire? J'ai un vélo, mais c'est vrai que pour traverser tout Paris, souvent j'ai du matos musique, j'ai tous mes petits cours d'anglais, mes bouquins et tout. Alors tu le prends à faire autre chose, tu perds vraiment pas ton temps à te transporter. C'est ça. Tu vas lire, tu vas écouter de la musique, tu vas c'est écrire. C'est ça, j'essaye de... Ou alors je regarde les gens, j'adore regarder les gens. Qu'est-ce que tu observes chez les gens? Mais j'aime bien voir... Quand j'étais petite, je jouais au jeu des sourires. Je souriais aux gens pour voir... La réaction? Ouais, ce que ça faisait. Et je fais encore un peu, j'avoue. Et puis? Et j'aime... Est-ce que les gens te sourient quand tu souris? Mais ça dépend, parce qu'il y a des gens, qui se demandent ce qui se passe quand tu leur souris, en fait. Parce qu'on a un peu à l'habitude d'être Le petit robot dans le métro. Ils s'imaginent qu'ils ont quelque chose de mal. Il y a ça là, entre les dents. Ouais. C'est ça qui se fait. Ils se demandent si on se connaît aussi. J'aime bien faire des ponts en fait. Me dire qu'on vit les uns à côté des autres, mais qu'il se passe quelque chose. Mmh. Je sais pas, Sortons de notre carcan. Si tu étais une époque. Une époque. Une époque. J'aurais adoré être Darwin, tu vois. Oh. Je crois que j'aurais aimé être une exploratrice et découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles espèces. Ça c'est ton côté. Ouais, ça c'est ton côté scientifique. C'est ça. Bon, je pense que je serais morte très très vite du typhus ou je sais pas quoi. Hey. Mais j'aurais aimé ça. Si tu étais un mot. Un mot. On va dire la souplesse, parce que c'est un peu ma quête. Là. Souplesse. Ouais, pourquoi souplesse. Tu te sens pas souple? Je me sens un peu trop rigide avec moi et avec les autres, du coup avec ceux que j'aime, parce que justement je prends pas assez de temps. Ah, ok, ouais. t'es dans là, un... faudrait que je double les doses de yoga, tu ouais. vois, je crois. Et de thé pour relaxer. C'est ça. Peut-être. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oh là là, la crème de sésame. Ah oui? Ah, j'en mange des kilos. J'adore ça. C'est le goût ou c'est l'effet le bénéfique? Le goût, la texture, je sais pas du tout si ça a des effets bénéfiques, si ce n'est que je crois qu'il y a plein de calcium là-dedans. Oui, légèrement. Je me prépare peut-être pour mon ostéopérose de femme ménopausée, oh, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais ouais, la crème de sésame, j'en mets dans tout. J'adore. Et si tu étais une saison? Une saison? Oh, alors, l'automne pour les couleurs, mais l'été parce que c'est moi, c'est ce qui me va. Quand il fait 35 degrés, je suis bien en fait. Et j'ai un peu honte hein, parce que tout le monde souffre de la chaleur, me dit oh là là, on va se mettre au frais et tout. Bon, je te dis pas que je resterai 3 heures en plein soleil, hein. Je suis pas inconsciente non plus, mais je sens que c'est ce qui fait du bien à ma physiologie, quoi. L'hypophyse se remplit. Ça doit être ça. On est tous des marcheurs de chemin solitaires, vagabonds inventeurs de nos itinéraires. Sur la route, nos âmes courent le long. S'embarquer malgré nous, seul en mer, capitaine d'une traversée en croisière ou en galère. Sur la houle, nos amours, la la la. Se frôlaient les ailes, serre-moi. Si nos vies par hasard se croisaient quelque part, serre-moi, serre-moi. On est tous entassés, trop pressés dans nos villes. Solitude ajoutée, multitude d'anonymes. Dans la foule, nos âmes filent en allant. Si nos vols parallèles se frôlaient les ailes, serre-moi. tu étais un membre corporel? Ah ah, un membre. Mais je crois que je serais dans le ventre, en fait. Je serais plus une section du corps, le ventre, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. On dit que c'est le deuxième cerveau. Ouais, ouais. C'est la concret, la vie aussi, quand on est une femme. C'est, Est-ce que tu y réfléchis? Ouais, bien sûr, j'ai envie. J'ai envie. À quel moment de ta vie? Eh ben, j'ai toujours su que j'aurais des enfants et que j'en avais envie et tout. Et là, j'ai rencontré avec l'homme avec qui j'ai envie de l'homme avec qui j'ai envie de faire cette folie, oui, aussi, de donner la vie. Donc, lorsque tu vas faire ça, tu vas mettre de côté ton travail. Mais ben, ça, je crois pas que je suis capable. Okay. En fait. Okay. Quoi que ça va bien, une femme qui chante ensemble. Je mettrai ma guitare à l'horizontale. Ouais. Au pire, je mettrai sa bédaine, puis c'est lui qui va m'aider avec les accords. Mais tu vois, en termes de temps, je sais pas comment je vais négocier tout ça. Il va falloir inventer. Alors, c'est pour bientôt. Ah, bah j'ai 38 ans bientôt. Donc, je pense qu'il faut pas que je me dise c'est dans 10 ans, tu vois. Non. Je commence à y penser, puis j'ai envie. Un? Ouais, ou deux. Deux, une maison et un chien dans sa niche. Oula. Non, mais ça, c'est le... C'est le cliché. Oui, ben oui, ben oui. Non, mais une maison pour un garçon et une fille, pousser surtout des tisanes. Oh, je crois que je serais heureuse avec quel que soit le sexe de l'enfant. Ah, et ouais. Puis, par contre, si c'est une fille, je me dis que je me sens une responsabilité supplémentaire pour justement... La prévenir. Pour le féminisme. Et, après, c'est la même chose. Moi, je pense beaucoup garçon, d'hommes féministes, et heureusement. Oui. Mais réussir à inculquer à son enfant que quand on est un homme, on n'a pas tous les droits. Mm-hmm. Non. Parce qu'on pense beaucoup à dire aux petites filles, ben fais gaffe parce que si tu te promènes en jupe, il peut t'arriver des bricoles, mais on pense pas à dire aux gars, ça se fait pas. En fait, c'est pas parce qu'une fille est en jupe que tout est permis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste une jupe, hein. C'est ça. C'est pas une récréation. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Oh là là. Ben je sais pas. Justement, une femme qui a beaucoup fait pour les femmes, okay, et pour le monde en général. Et Simone Veil, Simone de Beauvoir, plein de femmes illustres qui ont fait avancer les choses d'une façon à la fois digne et créative et intelligente. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Que ces femmes-là ou que mon chemin? Non, le tien. Le mien? Eh ben, j'ai beau me dire que j'ai pas fait un choix facile, je changerais pour rien au monde. Ton travail après ce EP-là, les titres que tu as placés sur le disque, est-ce que ça te donne encore le goût de te rendre plus loin et d'indiquer autre chose rapidement? Alors là, la première urgence, ça va être de me reposer. OK. Prends des vacances bientôt. Voilà, ouais. Okay. Je pars demain. Oh, où? Demain, je vais une semaine en bord de Seine. Ah oui? Je vais pas très très loin, tu vois. Ah, oui. Mais j'ai déjà calmé le rythme. Juste voir si j'en suis capable. Puis de se retrouver avec son amoureux, c'est toujours bien. C'est pas mal, hein? Ben oui, c'est un luxe. C'est non, mais c'est vrai. Exactement. On est dans une société où tout roule. On vit ensemble, mais on se voit pas. C'est ça. Surtout quand tu fais t'as un horaire classique du lundi au vendredi. Aujourd'hui, lundi au dimanche même, hein, Rénal. Voilà, c'est ça. C'est une bataille, hein, d'avoir réussi à prendre les dimanches. Effectivement, c'est effectivement. C'est la révolution pour moi de ne pas bosser le dimanche. J'y arrive pas toujours. Non. Est-ce que tu te rends compte que le public du lundi, c'est pas le public du vendredi? Pour les concerts? Mmh. Du coup, je joue pas souvent les lundis. Okay. C'est quand même beaucoup à partir du jeudi. Ok, oh, ben oui, quand les gens commencent à... Et ouais, je vois pas trop de différence non. entre le jeudi soir et le samedi soir. C'est vrai qu'à partir du jeudi, les gens sont préparés au plaisir, puisque la fin de semaine approche. Moi, j'aimerais bien faire des concerts le matin, mais je sais que ça excite personne. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc tellement beau le matin. Oui, avec ton petit café. Avec le café, pourquoi pas faire des concerts café-tartine. Oui. Café et tartine chanson. Ça. Et crème de sésame. Ben oui, exactement. Spécial, oui. Mais oui, j'aime bien ce moment où on est neuf. Et disponible. Oui. Disponible. Ouais. Avec un soleil levant. Oui, j'aimerais bien faire des concerts au lever du soleil. Tu as déjà fait des concerts plein air et des concerts à l'intérieur? Oui, concerts plein air, mais pas le matin. Non, mais qu'est-ce que la différence entre le plein air et l'intérieur? Il y a quand même quelque chose de jouissif à jouer à l'extérieur, sentir le vent. Ça. Oui, et puis... Les gens sont plus relax, sont assis sur le gazon. C'est vrai. Ça me fait penser au concert de Tame Impala, tu le connais, les Australiens. Oui, il y a une énergie, une respiration qui est différente. En même temps, le son aussi. Le son, alors, le son, souvent, il est plus merdique. Ouais, hein. ouais. Mais à moins d'avoir derrière des grosses machines. Oui. Mais as-tu une préférence? Préfères-tu l'intérieur ou l'extérieur? Ben, j'avoue que plus j'avance et plus je goûte au fait d'être dans un confort sonore. Justement, après avoir fait beaucoup les bars et tout. C'est parce que c'est le cocon, aussi. Le cocon, et puis du coup, un confort sonore, ça veut dire que tu peux... T'es dans les bonnes conditions pour donner ce que tu as à donner. Tu peux faire des nuances, tu peux faire... voilà. Et ça, c'est ce qui me manque un peu dehors. Tu peux arriver dehors, c'est ça qui est... Ouais, mais alors ça me plaît. Ouais, aussi. Mais c'est le dernier concert que j'ai fait dehors, il y avait des gamins qui couraient sur la scène en permanence. Et c'était drôle. Il y en avait qui dansaient derrière, qui m'imitaient avec la guitare et tout. Ah, c'est bien. J'avais l'impression d'être sur une autoroute de gamins, tu vois. Alors, j'avais peur qu'ils se prennent dans les fils et qu'ils se prennent un ampli sur la tête et tout. Mais c'était beau en même temps, cette énergie. Puis ça te déconcentrait pas? Alors, il y a des moments, ça déconcentre, mais en même temps, j'aime bien être sur un fil. Le déséquilibre. Parce que tu peux pas tricher, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que quand tu chantes pour un public, c'est du spectacle vivant. Tu peux pas... S'il se passe quelque chose de fort dans le public, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Et puis tu vas interpréter les choses d'une façon... Tu vas les donner différemment en fonction de ce que tu reçois. Et de ce qui j'aime se bien passe. Cet échange-là. Ouais. Tu as des titres qui sont déjà préparés pour le prochain album, le deuxième? Oui. Les ovaires, notamment. Est-ce que ça se dirige plus vers 10 titres ou... Je crois que j'aimerais bien faire un album, là. Ouais. Complet. 10 titres. Après, je me dis que j'ai appris beaucoup en faisant le premier disque. Hein. Et ça va être un enseignement pour le deuxième. Et lui de revenir, je l'attendrai toute la saison. Que l'été va venir, que je suis toute seule à la maison. Qu'il fait bon dehors. Les cigales l'été vont bientôt s'arrêter et tout appelle à l'amour. Comme ça sans raison, comme ça sans raison. Tu vas mettre ça en pratique. Voilà. Est-ce que tu vas t'entourer de la même équipe ou tu veux... Alors là, c'est encore très flou. Hein. Je sais que j'aimerais beaucoup, beaucoup retravailler avec les deux musiciens qui ont fait un featuring sur le disque. Oui. Tu vois, il y a un batteur, Gabriel Lemann, et un guitariste, Patrick Delattre. Donc je sais que j'aurais toujours envie de bosser avec eux. J'adore ce qu'ils font et puis j'adore ce qu'ils sont. Est-ce que c'est après les vacances, après ta semaine, que tu vas commencer à envisager ça, le nouvel album? Je crois que j'ai déjà besoin de composer beaucoup. Ok, parce que là, t'as passé de faire de nouveaux morceaux, les essayer pour sur les amener sur scène, d'être vraiment dans de la création, avant de me mettre tout de suite un autre défi. Voilà, je crois que j'ai besoin de maqueter plein de choses chez moi aussi. Et... De vérifier devant public. Oui, de prendre la température, me dire alors où est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce que c'est mes envies de son? Qu'est-ce qui est... Tu vois, je sens que j'ai des choses plus pop qui m'arrivent en tête, même si... Actuellement, oui. Oui, avec le looper, je sens que j'ai envie d'amener des trucs enfin, un peu plus... peut-être un peu plus pétillant, plus... voilà, donc je réfléchis à tout ça. et aussi sur un disque, sur 10 titres, je pense qu'il y a un autre voyage à faire hein, en termes de sonorité et de propos. Donc j'ai envie de me laisser le temps un peu de chercher. Et puis en vacances, est-ce que tu vas écrire ou c'est vraiment des vacances, tu vas poser le crayon, le papier? Je suis incapable de prendre des vacances... Ouais. Créatif? Non, créative en fait, je ne sais pas faire ça. C'est ça. Donc tu vas toujours amener ton petit cahier? Ouais, j'aurai mes guitares. Ah, tu vois ta guitare? Ouais. Ok. Et... En fait, pour moi, quelque part, les vraies vacances, c'est d'avoir le temps de créer, tu vois, c'est mon rythme intérieur, du coup, c'est ce qui me va bien. Qu'est-ce que tu veux dire dans le prochain opus? Je crois que j'ai beaucoup envie de parler de la place de la femme dans notre société et de trouver comment en parler. Parce que là, sur le disque, j'ai écrit une chanson qui s'appelle 313. Le 313, c'est un manifeste qui a été publié en 2013, tu vois, qui a été mené par Clémentine Autain. Exact. Et il y a plusieurs signataires. Il y en a 313. Ça tombe bien. Ouais. On a volé le punch. Voilà. Ça. Et il y a Benoît Giroux qui est décédé, hein, malheureusement, elle aussi, qui a beaucoup fait pour les femmes, mais ça a été presque anonyme, sa mort. Bien sûr. On n'a pas beaucoup parlé, en tout cas. Mais avec Simone Veil au Panthéon, peut-être que ça va réveiller. Quoique Benoît a travaillé aussi fort que l'autre. Mais il y a beaucoup de femmes qui restent anonymes. Ouais. Et à moins vraiment de s'intéresser à tout ça. Moi, je suis sidérée, j'ai parlé avec des lycéennes récemment, mais elles n'ont étudié aucune écrivaine, aucune autrice féminine, tu vois. Quelle culture. Aucune. Quelle culture. Il y en a des tonnes et des tonnes. C'est épouvantable, oui. Mais c'est très... Il faut dire aussi que la société est machiste. La société tourne autour de l'homme. Très patriarcale. Mais c'est très... C'est encore systémique, lui. Quoi, vraiment. C'est encore lui qui ramène les sous à la maison. Les femmes restent encore. Il y en a beaucoup qui sont... Reine au foyer. C'est imprimé et je pense qu'on a une responsabilité très forte en tant que femme parce que nous-mêmes, on véhicule ces clichés-là, ces fonctionnements-là. Mais déjà là, se faire appeler reine au foyer, c'est ridicule, c'est descendre la femme reine. Mais toi, t'as des copines, par exemple, qui reine au foyer? Ouais. Non. Non. Non. Bon, j'en ai aucune équipe. Non, j'en ai pas de... Non. C'est sûr qu'elles travaillent, elles sont mères, elles sont étudiantes, elles sont... On cumule un peu les mandats, hein? Les statuts et les titres, oui. Hein, donc, on empile sur les épaules. C'est pour ça que les gens, le soir, ont mal sans savoir les épaules. Ouais. Ils ont tellement de pression sociétale qu'à un moment donné, inconsciente ou consciente. Bien sûr. Et c'est fou, c'est complètement fou. Et la société s'amuse à en rajouter. On en rajoute sans arrêt, on s'en rajoute. Et je pense que c'est pas facile pour les hommes aussi parce qu'il y a une espèce d'injonction à la virilité, ouais. À la force, tu vois. Et il y a du boulot. Hein. Et j'aimerais bien, dans un disque, réussir à apporter encore d'autres questionnements parce que moi, je prétends pas avoir des réponses, mais en tout cas, je me pose pas mal de questions. Et je trouve que ce serait beau de réussir plus facilement à en parler entre nous, entre femmes, entre hommes. Parce qu'on a besoin de modèles aussi. Mm-hmm. Ben oui, pour se référer. Tu vois, pour s'inventer, pour... Parce que finalement, moi je connais des modèles très classiques où l'homme travaille et la femme est à la maison. Ou alors je connais des gens qui sont très aisés. Je possède beaucoup avec des familles très aisées dans le 16e arrondissement pour donner mes cours d'anglais. Où là, c'est tout autre chose. Les femmes, même si elles travaillent, il y a un niveau de vie qui permet que la plupart des tâches domestiques soient confiées, tu vois, à des employés. Je connais des femmes qui cumulent et qui passent leur temps, des ministres en fait. Les enfants, le travail, la création, et je me dis comment, d'oser. C'est quoi les modèles futurs, un peu équilibrés entre, dans un couple, que ce soit d'ailleurs un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme, mais comment, voilà, comment gérer comment tout ça. Comment on construit un truc. Et ça, c'est ce que tu veux apporter dans ton prochain opus. Ouais, j'ai envie de réfléchir à tout ça. Et de soulever les questions. Ouais, parce que c'est ça que j'aime bien quand je chante dans les concerts, quand je chante les ovaires. Je vois plein de femmes qui, tout d'un coup, si je me dis, mais elles vont brûler leur soutif, là. Ouais, exactement. Je sens une espèce de, tu sais, de joie et je me sens, ça. Ouais, ça fait du bien d'en parler. Et je vois des mecs aussi que ça fait sourire et qui se disent, ah, mais ouais, c'est vrai, déménageuse, on dit jamais déménageuse. Et il y en a. Et j'ai envie de réussir à soulever tout ça dans la joie et la dignité, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est la dignité. Oh, je sais pas. Quand tu vois les sans-abri, les familles de sans-abri. Ah oui. Ça, c'est une situation indigne de notre République, ça, je suis d'accord. C'est Émilie, donc, merci d'être passée à mon émission. Oh, merci, Rénald. Tu seras diffusée, on te consacre une émission, donc ce sera ton univers. Oh, génial. Ce sera toi, ce sera tes mots, ce sera ta façon de voir la vie. Et on va se suivre de près. L'année prochaine, je t'inviterai à faire un mini-concert. Tu vas voir, c'est super intéressant. Avec plaisir. C'est enregistré, c'est photographié, c'est médiatisé. Sur des bancs, c'est ça? Sur un banc public. On va séquestrer un banc public. Une nuit, je m'endors avec lui. Je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. À parler son langage, mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin et je me demande si cet amour.